no man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now. Ok, en tout cas c'est ce que nous dit Elodie du côté d'Orléans qui est déjà réveillée, qui va au taf ce matin avec Coco, Kaline et Julien Doré. Belle journée et le week-end qui approche. Bon réveil. Si vous venez d'arriver du côté d'Orléans, Saint-Jean-de-Bray ou aussi au Portugal, on nous écoute encore sur la plage. Daniel qui est là connecté avec, on vous l'avait dit, le tout nouvel Mylène Farmer qui est, ça y est, dans les bacs et disponible sur tous les téléchargements légaux. Voici à tout jamais le nouveau Mylène Farmer. Téléchargement légal, c'est aujourd'hui le nouveau Mylène Farmer avec À tout jamais. 7h, 9h, votre réveil matin, c'est Francky. Eh oui, on vous réveille et puis c'est le week-end qui approche. Et justement, ce week-end, vous allez pouvoir sortir encore avec plein d'événements sur la région centre avec le 27 et 28 août prochain. Ça va se passer à Vency, la fête du village. Il sera avec nous au téléphone tout à l'heure. C'est un des organisateurs du festival. Louis, avec nous, aux alentours de 8h15 pour nous parler de cette fête du village à Vency. C'est le 27 et 28 août, ce week-end. Et ça va bouger plutôt pas mal. Du son carré avec l'artiste Mafiosa. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-ciel. Stop on me, keep on me. ci tendo Zapata. Mamma fiosa, mamma fiosa, así você me appelle le 02 38 43 48 00. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Calme, jamais calme. Hey, viens m'enflammer sans jamais t'arrêter. Jamais on part, avec toi je pars. Et j'ai toujours le cœur en été, comme il était seul à mes côtés, comme un feu qui me colle à la peau. Et j'ai toujours le cœur en été, comme si l'hiver était de trop. Moi j'ai toujours le sang chaud. Yo, me quemo, te quemo yo, tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. Te quemo yo, tu cuerpo es un incendio. Con mi sonido te caliento, y sube, sube, sube la calor. Dale, vivo, dale, dale, vivo, dale. Dale, vivo, dale, dale, vivo, dale, vivo, dale. Si tu veux tout oublier, laisse la musique derrière. La météo pour aujourd'hui, le ciel est assez nuageux ce matin avec le soleil qui devrait faire son apparition dans la matinée. Des températures plutôt pas mal au lever du jour, 16 degrés. Et on va dépasser quand même les 27 voire 28 degrés avec quelques orages prévus pour samedi dans la journée. Le réveil, 7h24. Coucou à Edouard qui est connecté du côté d'Olivier. Salut Francky, belle journée à toi. Je vais au taf ce matin, c'est la reprise aujourd'hui. Eh ouais, il y en a qui reprennent le vendredi, bah ouais. Et puis beaucoup de retours, donc soyez très très prudents sur les routes du son qui arrive avec Alok sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon petit déj en direct. 7h-9h, Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. C'est Francky dans la radio avec Caméléon. Non, non, non, non. Si vous avez un petit chien, un quatre pattes, ben aujourd'hui c'est sa fête, c'est la fête mondiale de tous les chiens sur la planète. Donc n'hésitez pas à lui faire plein, plein de bisous. 7h31, mon amour, le remix, ce sera la concielle. Bon réveil. De verdad que no me cuesta pensar en ti cuando me acuesto. Pero ya no imagines el resto, que si no, no queda bonito esto. Voy a ir directa a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir. Y como los niños chicos te pediré salir, esperando un sí, esperando un kiss. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto. Se me pone cara tonta, niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, como con sexto, como diría lo vasco. Si quieres te lo digo en portugués, pero basto de volver. Me paraliza el cuerpo cuando vas a besarme. Me acuerdo de ti cuando voy a maquillarme. Cantando los conciertos te imagino delante. Siendo el más elegante, siendo el más importante. Grabando con Aitana ya pensando en buscarte. Y yo cruzar el charco para poder ir a verte. No importa el idioma, solo quiero cantarte. Mon amor, amor es mío, solo quiero comerte. Cuando te veo, mamá, como Fórmula One. Paso de 0 a 100, contigo impresioné. Y me envenené, yo ya no sé qué hacer. Me abrazaste y volé, te juro que volé. Y es que me encantas tanto, si me miras mientras canto. Se me pone cara tonta, niño, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto, más el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco, y Zoilo. Salir esperando un sí, esperando un kiss. Es que me encantas tanto. Si me miras mientras canto, se me pone cara tonta. Niña, tú me tienes loca. Y es que me gusta no sé cuánto. Más que el olor a café cuando me levanto. Contigo no hace falta dinero en el banco. Contigo me parece de todo lo alto. Solo voy a grabar, solo quiero ir a buscarte. Me da igual Madrid o París, solo contigo escaparme. Una música, vámonos de aquí. Pues nos vamos. Arc-en-ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. C'est quand que tu viens, c'est quand que tu passes, c'est quand que tu me prends par la main et que tu me dis, allez viens on se casse, c'est quand la douceur. La chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives, dans combien de temps? C'est quand t'arrives et que tu me dis, allez viens, viens maintenant, c'est le moment, dis-moi c'est quand? C'est quand? Quand, quand, quand, quand? C'est quand tu m'emmènes, c'est quand que ça commence, ça finit cette rengaine. C'est Francky dans la radio, belle journée, bon réveil, courage à vous, si vous allez au taf ce matin. Au Tempo Festival, c'est ce week-end du côté de Boigny, vous allez pouvoir aussi faire la fête, ça va être des bons plans. Pour sortir, on en parlera tout à l'heure avec Louis au téléphone, direction 26, le 27 et 28 août prochain. Encore des bons plans pour sortir.

7h44 sur l'arc-en-ciel. Bon petit déj à Joël qui vient d'arriver. Salut à Joachim aussi qui est connecté à Saint-Jean-de-l'Arvel. Merci mon ami d'être là tranquille matin. Ben merci à vous. Il est toulonnais, le Kungs, I feel so bad. Et puis le son qu'il vous faut pour bien vous sortir de lit, c'est The Hamler. soleil de Radio Arc-en-Ciel, Marc-Anthony, Vivir, Mi Vida, 7h50, bienvenue à Orléans, Pithiviers, Saint-Jean-de-Bray, sur le net aussi, on nous écoute au Portugal et ça nous fait plaisir. Salut à tous nos amis portugais, bon dia, la planète et la famille, il y a du son qui arrive avec Shawn Mendes. Et puis la météo pour aujourd'hui, le ciel est plutôt nuageux ce matin, mais le soleil fera son apparition, on vous en parle. La météo. Soleil, nuages, c'est le programme pour cette matinée. Le soleil qui devrait faire son apparition en fin de matinée. Les températures sont plutôt pas mal ce matin. 16 degrés au lever du jour et on va dépasser les 27 voire 28 degrés. Un petit peu moins chaud qu'hier, mais le soleil sera là dans la journée. Ça c'est bien pour commencer le week-end car les orages ne vont pas tarder. Non, malheureusement, ça sera prévu pour samedi. Du son qui arrive, je le disais, avec Shawn Mendes et sur Radio Arc-en-Ciel. Belle journée et bon petit déj sur Orléans. This gonna hurt. Oh, we can try to sedate it, but that never works. Yeah. I start to imagine a world where we don't le matin sur Arc-en-Ciel. Yes, kiss that you have. Hein, sous la boule à facettes en discothèque, on adorait ça. Oliver Chatham, heureux d'être avec vous. Tony qui est en vacances et qui vient de rentrer cette nuit. Salut, courage à toi. Bah oui, 3 semaines au Portugal, ça y est, le retour en France à Orléans. Et bien on te souhaite plein de courage. Reprise du taf lundi, c'est ce qu'il nous dit. Bah voilà, bah va falloir y aller. Bah oui, à un moment ou l'autre, hein, il faut aller au taf. Zipping.

Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Danser un petit peu ce matin pour vous emmener à la porte du bureau, par exemple, c'est ce que nous dit Olivia. Belle journée aujourd'hui, c'est la journée mondiale du chien. Alors allez-y, lâchez-vous sur les réseaux sociaux, postez la photo de votre petit toutou, votre petite toute. C'est la mante, Nekiyam sur la pincelle. Bon réveil, c'est vendredi jusqu'à 27, 28 degrés, puis direction 26 dans quelques minutes avec Louis au téléphone. On va parler de la fête du village, c'est ce week-end. Esta la hice pa' él. Cuando la escuché quiero estar ahí para ver. Cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé y no me lo. todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia siento tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Dile a novia siento tuyo, que eres una porquería. Ven caliento más. Frío, ¿quién te da calor? Yo soy el dueño de tu fantasía, nadie lo hace como yo. Si te viste bonita no te dice nada, y a mí tú me gustas de así maquillar. Tú siempre a mí me dices que él te trata mal y eso lo tienes que acabar. Dime qué tú vas a hacer, a mí tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. Dile al noviecito tuyo, que con él te sientes fría. Mami, yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía. En direct ce matin, comme tous les jours, 7h-9h, c'est Francky dans la radio avec Nikki Amelaman, c'est notre invité qui arrive tout de suite. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Ce qui est bien, c'est que dans l'oreille, ça bouge et ça va bouger. Ce week-end, du côté de Vency, la fête du village, et pour nous en parler le mieux, c'est Louis qui est avec nous au téléphone. Bonjour Louis. Bonjour Francky, bonjour tout le monde. Dis donc, tu m'as dit hors antenne, je suis réveillé depuis 6h du matin, déjà au boulot, déjà pour préparer cette belle fête du village qui arrive à Vency, c'est ce week-end Louis. Il y a déjà certains qui ont déjà commencé déjà depuis lundi à tout charger les véhicules, tout préparer. Ouais. Toute l'équipe du bureau de l'asso, on a déjà commencé hier et puis là ce matin, ça y est, c'est parti à fond les ballons depuis 6h. Avec tous les bénévoles et on est en train de tout installer. On est parti pour deux grosses journées d'installation. Ouais. Vous êtes une association, c'est quoi le nom de la sauce, Louis? Alors c'est Vency Loisirs, la sauce. Vency. Alors est-ce que moi, ce que j'adore, c'est que c'est bien de faire bouger les petits villages comme ça. Hein, et toi, tu mets tout ton cœur. Ça fait 41 ans déjà la fête. Ouais. Et donc on fait les 40 ans cette année, parce que Covid avec le Covid, ouais. On a pu faire les 40 ans. Donc c'est vrai que ça va être encore plus grandiose cette année. On fait les 40 ans. Donc ça va vraiment être top, quoi. Ça va être top sur deux jours, le 27 et 28 août, c'est à Vency. Alors, je regarde un peu l'affiche qui est sous mes yeux. L'entrée, le parking est gratuit. Ça, c'est la bonne nouvelle, déjà. Ouais, ça, c'est cool. C'est vraiment la partie sympa du truc. Et puis, un programme de folie, hein, malgré tout. Donc, c'est vrai que ça, c'est top. Vous êtes heureux parce que c'est vrai qu'avec le Covid, l'année dernière c'est mort, comme beaucoup d'activités malheureusement sur la planète. Et là, ça y est, on revit enfin. Ça y est, c'est vrai que là, nous on est super contents de pouvoir retrouver tout le monde, même de se retrouver les uns les autres entre bénévoles et tout ça. C'est vrai que nous c'est un super moment aussi. Donc là, ça y est, la ferveur repart, l'adrénaline repart. Ah oui. Parti quoi. Alors, je lis un peu le programme de ces deux jours festifs, la fête du village. Je vous rappelle, c'est le 27 et 28 à 26. Si vous êtes dans les parages ou même de très loin, vous pouvez y aller. Concert pas propre avec le groupe Alkaline, Barbecue, Feu d'Artifice et 7 DJ. Ça, c'est le 27. On commence du coup à 19h demain soir. Et donc pendant le repas et jusqu'à 22h30 à peu près, on va avoir le concert du groupe Alkaline qui est pop rock funk. C'est vraiment de la musique dansante et tout ça, ça va être super sympa. Sur le feu d'artifice à 22h30 et puis après on enchaîne direct DJ. Donc avec Séverine dans un premier temps et après on a deux petits jeunes de notre village qui vont enflammer le toute la nuit. On va danser où, sur la pelouse, sur l'herbe, un peu partout? Alors oui, c'est une grande esplanade. En fait, à Vinci, ça se situe, tout se situe au niveau des salles des fêtes. Hein, tout sera indiqué, tout est fixé. Et on a une grande esplanade avec la scène et puis tout autour, la restauration, buvette, les barbecues. Tout ce qu'il faut pour être bien. Alors, ce qui est bien aussi, je suis en train de lire un petit peu tout le planning. Vide grenier, ça c'est intéressant. Dès 7h du matin, ça c'est le 28. Voilà, donc ça c'est le 28, donc le vide-grenier, ça va être un gros vide-grenier, on a déjà plus de 800 mètres, on arrive à tourner 800 mètres là, donc voilà, les animations du dimanche c'est le vide-grenier, le tracteur tondeuse cross, ça c'est la nouveauté. Ah c'est quoi ça, ça a l'air sympa ça, ouais. C'est des tracteurs, des vieux tracteurs tondeuses sur lesquels on a retiré la coupe quoi, et voilà, ils sont bricolés, et ça se tire la bourre, il y a un circuit, c'est une course de tracteur. Et ça tout le monde peut participer? Alors, bah, disons que les équipes sont faites, hein. Il y a des équipes inscrites, mais voilà. L'année prochaine, s'il y a des intéressés, il n'y a pas de souci. On a un règlement, on peut le transmettre pour s'inscrire pour l'année prochaine. Ouais. Et cette année, là, c'est la première édition, donc ça va déjà être super sympa. Ouais. Donc tout le monde est... Il y a plein de choses qui sont bien. Il y a le baptême d'hélicoptère. Alors moi, j'ai le vertige personnellement, mais ça peut être sympatoche, hein, en hélicoptère, de survoler Vinci, non? Et en plus, le prix du baptême est à 40€ par personne. Ah ouais, pas cher. Parce que c'est vrai, des fois, on a toutes ces choses-là. Des fois, c'est assez cher. Et c'est vrai que là, ça reste encore super accessible, 40€, franchement. Donc ça va être aussi une super. Alors, ce qui est bien, c'est tout public, hein. Tout le monde peut venir. Il y aura des expos de tracteurs anciens. Il y a de l'animation pour les grands, on a de l'animation pour des enfants, on a les structures gonflables, pêche au canard, on a des tours de poney aussi, il y a des poneys. Sympa ça, ouais, du cheval aussi, balade à cheval j'ai vu. Voilà, ouais, donc il y a vraiment de tout, et puis bah, le dimanche il y aura aussi de la musique, on a François qui vient faire de la musique, qui va déambuler un peu dans toute la fête pour animer un peu, et puis on a toute la scène, hein. Séverine, notre DJ qui est là tout le week-end, il y aura des chanteurs le dimanche après-midi avec des reprises de chansons françaises, etc. Et pour les sportifs, il y a la course à pied aussi, hein, au profit de l'association. Il y a de tout, on fait de tout à Vinci. C'est un gros package quand même, le 27 et 28, un très gros événement. Sympa. Faut venir, ça va. Ah ben moi je vais venir le 28, je pourrais pas le samedi, mais le 28 je vais passer, ouais, vous faire un coucou. Bah, y a pas de souci, avec plaisir, il y en a tous les goûts, c'est une grosse fête, ça reste encore assez familial, c'est super sympa, franchement, si vous êtes dans le coin... Venez nombreux et nombreuses. Ça vaut le détour. La fête, et puis moi c'est ça que j'aime bien, c'est le truc familial, convivial, où on peut faire la fête en plein air avec plein de choses. Donc on vous rappelle cette date, c'est ce week-end, c'est à... Alors Vinci, tu peux le situer un petit peu sur la carte géographique, ceux qui sont d'Orléans? C'est un quart d'heure d'Orléans à peu près. On sort à la sortie Chessy ou à la sortie Saint-Jean-de-Bray quand on est sur la tangentielle. C'est à 10 minutes de la sortie Dior, à 10 minutes de Dior. C'est à les villages aux alentours, c'est Chessy. On n'est pas très loin de Saint-Jean-de-Bray, Marigny-les-Usages. De l'autre côté, c'est Failly-aux-Loges. Loury, tu vois, c'est... Ça va être sympa. Vinci. Après, continue jusqu'à Pithiviers, en fait. C'est dommage qu'il n'y a pas la bande des musclés, là, pour la fête du village, tu vois ce que je veux dire, à l'ancienne. Non, t'as pas connu, toi, peut-être, si t'as connu les musclés, non? La sécurité à l'ancienne. Ah ouais, c'est ça. Donc on vous rappelle cette fête, donc c'est le 27 et 28 août, donc c'est ce week-end à Vinci. Et n'hésitez pas, il y a toutes les infos, donc notre Facebook, Vinci Loisirs Officiel. Voilà, n'oubliez pas le officiel à la fin, Vinci Loisirs Officiel, vous avez toutes les infos, faut pas hésiter à repartager les publications. Voilà. Et on vous met des nouvelles... heure par heure de l'avancée du montage, voilà les petites infos. Et n'hésitez pas au niveau du règlement à prévoir des espèces par contre. Ah ouais, de l'espèce, bah oui, nous CB, c'est normal, c'est pour la voilà, sauce. Voilà, c'est le petit truc, voilà, on y passera, mais... Il y a un distributeur à Vinci de billets. Distributeur à Vinci. Bon, ça va, on est rassuré alors. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il y a de l'artisanat, je vois aussi fabrication de farine, boudin et jus de pomme. Donc, ah ouais. Boudin ancienne, jus de pomme, la farine, après on a aussi des exposants, on a des artisans qui viennent exposer. Moi je suis aussi de mon côté maraîcher, j'ai un stand aussi sur la fête. Voilà. Donc, en tout cas moi je viendrai le 28 et il y a la tombola aussi 100% gagnante, c'est ce que tu as dit. Ouais. Donc un ticket acheté, un ticket gagnant, c'est ça. Voilà, un ticket acheté et c'est gagné. Et voilà, et ben voilà. Et ben... Il y a énormément de places dans des parcs d'attractions, dans tous les parcs d'attractions aux alentours, les musées. Il y a des beaux lots. Il y a le gros lot, c'est carrément tout un système de télésurveillance pour une maison. Ah oui, carrément, ouais. Ouais, c'est bien ça. Tout, non, franchement. Et ben voilà. Tout pour faire la fête, Louis. Bon, oui, on se dit à ce week-end, 27 et 28 août, alors à Vinci. On à partir de demain soir, 19h, et on fait la fête jusqu'à dimanche soir, tous ensemble. On vous attend nombreux. Et ben voilà. Voilà, Louis. Ben, je te dis à dimanche pour moi, mais en tout cas, 27 et 28. Allez, à dimanche. Merci. Salut, Louis. Bonne journée à toi. Ça sera tu sonrisa. Algo en tu cara me fascina. Algo en tu cara me... Ce matin, 96 de FM. Ça va être la fête à Vinci, la fête du village. En tout cas, il faut y aller. Moi, j'irai le dimanche. Hein. Le samedi, je pourrais pas. Mais dimanche, je vais aller faire un petit tour là-haut. 27 et 28 à Vinci, la fête du village. À ne pas rater avec Radio Arc-en-Ciel. On vous souhaite une très très belle journée avec du soleil aujourd'hui jusqu'à 28 degrés. Ah, caliente. Et puis le son que vous adorez, voici le DJ allemand Purple Disco Machine in the Dark. C'est sur Radio Arc-en-Ciel. Bon réveil. Courage à vous pour le taf et à ceux qui sont en train de monter là du côté de Vinci. On vous souhaite un très très bon matinée. Au boulot, c'est Francky. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Que Dios me libre de volver a tu lado. 7h, 9h. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel, ta radio soleil, dès 7h avec Francky. Radio 8h37, le meilleur des souvenirs avec Camaro, le petit remix sympatoche le matin, Femme Like You. Et si vous n'avez pas encore le tube de l'été, eh bien je l'ai pour cette rentrée. Voici les Black Eyed Peas, Shakira et David Guetta. Et on adore Don't You Worry, c'est sur l'arc-en-ciel. Okay, hey. Work hard, play hard, that's the only way. Hey. I'ma live my life like it. cinco, seis. Take it to the top. On adore. Don't worry, c'est le son des Black Eyed Peas. Forcément, il vous fout dans la playlist ce soir. Si vous allez en club, si vous allez faire la fête chez des amis. En tout cas, nous, on adore. Tout est réuni pour faire la fête. Ça ressemble un petit peu à Grenade of Feeling. On adore. Voici Enmi Kama. C'est Nicky. Nicky à 8h41 sur Roller Arc-en-Ciel. Nikiam, Nikama, 8h44 en Nikama, ça veut dire dans la chambre en espagnol. J'espère que vous y êtes plus parce que c'est l'heure d'aller bosser ce matin. Heureux d'être avec vous et puis coucou à notre ami Florent Amigo qui enregistre tous les podcasts de la radio et ça nous fait plaisir. Merci mon petit Florent. Vous pouvez retrouver toutes les émissions de la radio grâce à notre ami Florent avec les podcasts de Radio Arc-en-Ciel. Belle journée, bon réveil jusqu'à 27-28 degrés, ça fait du bien. Et puis lui il arrive et j'adore Alvaro de Luna. J'adore. J'ai été au Portugal cet été. Ça passait en boucle dans toutes les radios. Radio Commercial, par exemple. Voilà. Arc-en-Ciel Orléans 96.2 FM. C'est Alvaro de Luna. Écoutez, c'est énorme. Les aquellas noches locas recorriendo Portugal. No dejaré que no te extrañe los besos que nos dimos, prometiendo no olvidarte. Y con lágrimas, uniendo nuestros cuerpos con el sol a despertar. Le matin c'est bien et c'est Francky Arc-en-Ciel. 7h-9h, Francky le matin sur Arc-en-Ciel. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48 00. Yeah, you are known. Act just like you know. Ooh, whoa, you just ought to know. Ooh, yeah. When you're feeling down and low, and you need a place to go. We'll be right back.